Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Aujourd'hui, à l'Assemblage Mecque, on reçoit Alexandra Carignan, sa chronique art et spectacle. Et on revient sur le festival en volée macadam. On remplit aussi notre mandat éducatif avec C'est un fait. L'Assemblage Mecque commence tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage Requis. On se lundi 10 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. Oui, bon matin, bon début de semaine et bon premier lundi de la session pour nous. Oh, oui. On n'avait pas la semaine passée de lundi. Non, c'est ça exactement. On a commencé mardi. Puis écoute, petit lundi. Hein? Et ça va être relax aujourd'hui que toi et moi, presque pendant toute l'émission, François. Sinon, vers la fin, on reçoit Mme Carignan. Oui, Alexandra Carignan, de son prénom. En fait, pas Alexandra Carignan. Je sais que ce serait un beau prénom de nos jours. Alexandra Carignan, ouais. Quelque chose d'autre. Mais non, elle va nous faire sa chronique art et spectacle. On l'avait jeudi dernier aussi. On avait changé de jour. Et là, elle est de retour. Donc, deux jours d'assemblage requis de suite pour Alexandra. Et c'est bien tant mieux parce qu'on l'adore. Oui, tout à fait. Ça, c'était à, vers 8h15 environ. Avant ça, en début d'émission, on va faire une petite chronique CNX. OK. Quelques restants de liens intéressants que j'ai trouvés sur Internet cet été. Génial. Super. Oui. Et puis, on va revenir aussi sur le festival En vol et macadam qui s'est déroulé à Québec. Oui. Jeudi, vendredi et samedi dernier. Donc, en fait, on vient là-dessus. Tu vas voir, ça a été plaisant. Cool, t'es allé? Ouais. Cool. Juste pour Assemblage Requis. Juste pour ça, envoyé spécial. À 8h, on aura aussi la chronique C'est un fait. Et dans C'est un fait, aujourd'hui, ce sera un spécial Quickie Edition, comme toujours. Moi, c'est rendu que j'aime faire quasiment que ça. Et aussi un bloc thématique sur les jeux vidéo. OK. Tout à l'heure. Donc voilà, un petit peu de geekerie aujourd'hui. Mais pour l'instant, on débute avec du Peter Peter. Et une nouvelle chanson de son album, une version améliorée de la tristesse. Voici Les Chemins étoilés. Au 89 FM, c'est fou, bonne émission. Carré. Ben, Internet, François. Internet t'a dit que Morgan Freeman était mort et ouais, tu l'as cru. Ouais, mais fait avoir. Ah ben, tabarnouche. Non, il est pas mort. Non. Non, il est non, encore non. vivant. Une chance. Ouais. Ça, ça a été vraiment triste. Autant que Neil Armstrong et plein d'autres, mais beaucoup plus que d'autres vedettes qui sont mortes récemment. Ouais. Pas que c'est pas triste. Des choses importantes. Des personnes importantes. OK. Je trouve que Morgan Freeman est important. Oh, il est bon en plus. Bon. On l'aime bien. Pas comparé aux autres, juste en général. Il est non, important. Non, on ne bon. Compare pas. Hey, justement, parlant d'Internet qui dit des choses pas vraies. Là. Ouais. Il en dit des vrais aussi. Il en dit des vrais aussi. Voici la chronique CNX. C'est la première fois qu'on fait CNX cette année, François. Oui. Et donc, pour les nouveaux arrivés, les arrivants et les gens qui sont pas courants... Sachez qu'il n'y aura pas de chiptune. Pas de chiptune, non, c'est ça, pas de chiptune. Yeah! Je vais garder ça pour moi pour l'instant. Peut-être une fois de temps en temps, je dis pas que je vais jamais en jouer. Chiptune, c'est de la musique jeux vidéo, donc de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo. C'est un petit laser, là. Bon, François aime pas ça. Puis, Non, mais attends un peu. J'aime pas ça. C'est vrai que j'aime pas ça. Mais tu m'as fait quand même découvrir des chansons qui étaient... Pas pire, hein? Pas si pire. Ok, je vais essayer de mieux les filtrer et t'en jouer seulement quand je trouve que tu pourrais les aimer. Ben, quand il y avait de la voix un peu, je sais que vers la fin de l'année dernière, tu n'avais amené, je pense, quelques-unes. J'essayais vraiment de te. Oui, il y avait de la voix, c'était pas si pire. C'était pas si pire. Ouais, c'est vrai. Ok, je vais me forcer, Mais donc, c'est ça, CNX, c'est la chronique de choses geek, donc des trucs trouvés sur Internet, des trucs comme ça. On va commencer avec les vidéos. Pour pouvoir les éliminer, les tasser complètement. Donc, allons-y, on va aller entendre un petit peu les 100 rires de fou du cinéma. Les 100 meilleurs rires. Tu sais, comme dans Batman avec Arnold Schwarzenegger. Il est pas pire, celle-là. Il est pas pire. Il est pas pire, mais il y en a des très mauvais. C'est standard. Ouais. Okay. Ça, c'est dans Le Chien d'Oz. Je le connais pas, mais il a l'air fou quand tu le regardes. Chose dans Austin Powers. Il y a même des dessins animés. Il y en a des papiers. Je vous suggère d'aller voir sur assemblagerequis.com pour voir la compilation complète. Et tant qu'à être là, allez voir cette série de jeux, de vidéos YouTube. Chuck Norris Versus. Est-ce que tu as vu Chuck non. Norris Versus? C'est créé par Dane Bow. Et on peut retrouver dans cette série-là, entre autres, Chuck Norris Versus Tetris. Chuck Norris! J'aime bien le coup de lui. Donc, on voit l'écran d'ouverture de Tetris. Et là, Chuck Norris arrive sur le côté. Ah, puis il est défait. Il est détruit. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se fasse entrer dans la colonne de Tetris par en haut. Donc, il rentre dans le next piece, devant. Il descend, puis il vient tout défaire le Tetris. Attends. C'est super bien fait. C'est vraiment réussi, ces animations-là. Il y a aussi Mario Bros, où on voit Chuck Norris lancer un grappin jusqu'à la fin du tableau et de ramener le château qui est à la fin. Puis là, il sort Toad de là, puis il dit Toad dit la princesse dans un autre château. Hey, me semble! Puis il tue Toad. Wow. Ça, c'est la destruction causée par le château de Mario. C'est très, très réussi. C'est Chuck Norris versus... C'est ça, c'est la mort de Toad à la fin. Ah, c'est super. Et ça, c'est la princesse. Voilà. Ah! Je pense qu'il s'est passé quelque chose dans le château après ça. C'est génial. Ensuite, toujours en CNX, on continue avec quelques liens que j'ai trouvés sur Internet. François, tu peux aller voir sur assemblagerequis.com comme tout le monde pour les suivre. On commence par des pochettes d'albums célèbres à New York, où on a pris les pochettes des albums, qui étaient donc des photos d'endroits célèbres, et on les remet sur l'endroit célèbre. Par exemple, l'album de Billy Joel, Turnstiles, a été pris dans une station de métro avec, tu sais, les tourniquets. OK. Donc, on a... C'est les mêmes tourniquets? C'est les mêmes tourniquets et positionnés de la même façon pour que vraiment tu puisses remarquer. Exactement. Donc, il y a là-dedans Led Zeppelin, The Ramones, il y a Fog Hat, Simon & Garfunkel, Bruce Springsteen, Kiss et un paquet d'autres artistes comme ça. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com. Comment dire LOL en plusieurs langues différentes? Au Japon, on apprend que au Japon, LOL, c'est www, etc. Parce que W est l'adoption du mot, l'initialisme, si on veut, du mot warai, W-A-R-A-I. Warai, qui veut dire rire. Eh bien. En Israël, c'est des gens de petits N. Et la lettre N est prononcée KH. Donc, si tu en mets plusieurs ensemble, tu fais KH, KH, KH, KH. Ce qui fait un petit peu comme ha-ha-ha pour eux. Hein? Donc, pour être intéressant, ASG en Suède. ASG, ça veut dire Asgard, ce qui veut dire rire intense. Non. Intéressant. Il y a aussi, là, on dit partout dans le monde, on utilise HA3. C'est populaire surtout en Malaisie, dans le monde arabe. Donc, c'est HA x 3. Donc, ha-ha-ha. HA3. Okay. On va commencer à utiliser ça. Évidemment, on dit qu'en France, c'est MDR pour mort de rire. Ça, je pense que tout le monde savait ça. En Chine, c'est des petites maisons. C'est super cute. On dirait, en tout cas, des maisons? Le symbole, on dirait des petites maisons, je ne sais pas. Celui-là n'est pas expliqué. En Amérique latine, c'est J-A-J-A-J-A. Ha, ha, ha, parce qu'on prononce les J comme des H. Hein. Et voilà. Donc, il y en a plein d'autres. Allez voir sur le site. Ensuite, on parle de perruque d'eau. C'est un photographe de Los Angeles qui a pris un paquet d'hommes chauves. OK, il leur a échappé de l'eau sur la tête. OK. Et il a pris les photos exactement au bon moment. Et t'as l'impression que les gars ont des perruques d'eau. D'eau? C'est super cool. Ouais. C'est vraiment très, très beau. Je trouve ça génial. Même. Donc, vous pouvez aller voir les photos sur le site comme toujours. Tout plein de formes différentes. Là, je sais pas comment il a fait pour faire ces formes-là, mais c'est réussi. Ensuite, celui-là, moi, me passionne. Je sais que toi, tu vas peut-être trouver ça un petit peu plate. Là. C'est 15 plans. Tu sais, il y a des blueprints un petit peu, tu sais, genre des plans de maison, tu sais, comment les pièces sont divisées, les portes sont où, etc. Mais pour 15 des maisons les plus connues de la télé, moi, ça me fascine. Okay. Par exemple, l'appartement les deux appartements qu'il y a un à côté de l'autre dans Friends, on voit comment les pièces sont divisées. C'est des gars, des professionnels là-dedans, c'est sûr que c'est leur job, là, parce que c'est vraiment exactement ce qu'on retrouve dans l'émission. T'as Sex à New York, Frasier, Big Bang Theory, Batman, les Flintstones, Bewitched, I Love Lucy. Et un paquet d'autres émissions. Seinfeld est là-dedans, Les Simpsons, Mad Men, même des choses récentes. Il y en a là-dedans qui ont des appartements assez luxueux. Si tu regardes celui de Frasier, c'est impressionnant comment l'appartement est grand. Il y a des pièces imbriquées dans d'autres pièces. Je sais même pas comment ça peut te rendre tellement qu'il y a de pièces les unes dans les autres. J'adore ça. Ensuite, This Is Now, qui est un projet de composition visuelle qui utilise des mises à jour en temps réel de la populaire application Instagram. Instagram, tu prends des photos avec ton iPhone. Ouais. Ça fait des photos old school. Et là, sur le site This Is Now, qui est au now.jit.su, là, comme un jujitsu. Jitsu. Ouais. Donc, tu cliques sur la ville que tu veux. Disons, je clique sur New York, où c'est marqué en ce moment qu'on est lundi, le 10 septembre, 7h18, 14 secondes. Tu cliques dessus, ça t'amène sur une autre page et tu vois que toutes les photos qui ont été prises à New York City. OK. Donc, dans l'instant, là. Dans l'instant, c'est en ce moment-là. Là, en tout cas, j'imagine les plus récentes, étant donné qu'à New York, c'est encore très tôt le matin, mais il y a quand même du monde qui prennent des Instagram. J'imagine. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois le dos d'une fille avec des tatous, tu vois un enfant en train de manger quelque chose, tu vois juste des bâtisses, des gens qui sont encore dans la rue à cette heure-là, puis c'est le fun. C'est très cute. Ensuite, le Google Earth Time Machine, c'est un blog qui utilise les données satellites de Google Maps, évidemment, pour faire des comparaisons d'endroits intéressants à travers le monde, dans le temps et de maintenant. Par exemple, on nous montre un French Hook en Afrique du Sud en 2005 comparé à 2010. Parce que, tu sais, Google Maps prend des photos depuis plusieurs années quand même. Donc, tu peux faire la comparaison, par exemple, avant un désastre naturel et après un désastre naturel. Comme ça. Et si vous regardez à droite du menu sur le lien, sur assemblagerequipe.com, il y a des catégories. Par exemple, les montagnes, les ouragans, des trucs comme ça. Donc, c'est super cool. Ensuite, celui-là, c'est plus technique, c'est plus un utilitaire pour vous si vous en avez besoin. C'est une façon facile de partager des adresses Internet. Par exemple, disons que tu veux envoyer 3-4 liens de la chronique CNX à quelqu'un. Tu vas les pogner. Normalement, tu vas envoyer assemblagerequipe.com, ça c'est simple. Ça, c'est simple. Quand même. Mais copier-coller, non? Copier-coller. Oui, ben tu les copies-colles. Tu les copies-colles. Dans la petite boîte qu'on donne sur le site bridgeurl.com, tu lui donnes un titre et ça va te faire un lien, un seul lien, okay, qui mène vers plusieurs pages. Disons que tu voudrais envoyer 10 pages à quelqu'un. Ça t'ouvre plein d'onglets. Exactement. C'est ça qui est cool, j'adore ça. C'est bridgeurl.com. Ensuite, un casse-tête Tetris. Ça, c'est le fun parce que déjà, Tetris, tu envoies des affaires l'une dans l'autre. C'est comme un casse-tête Tetris. Avec de la logique et tout et tout. Donc, c'est ça. Tu peux enlever Tetris des jeux vidéo, mais tu peux pas enlever le jeu vidéo, tu peux pas enlever le Tetris de ton cerveau. Hein, on s'entend tous là-dessus. Donc, le casse-tête Tetris, dans le fond, c'est une petite planche sur laquelle tu imbriques chaque morceau de casse-tête. Ils sont pas en... J'aurais aimé s'il avait été en forme de vraie forme de Tetris. Ouais. Mais en 3D. Des morceaux de casse-tête. Genre en 3D, ça va être encore plus cool. Mais non, c'est des morceaux de casse-tête, tout ce qu'il y a de plus normaux. Et donc, c'est un casse-tête en 100 morceaux qui apparemment est très, très, très difficile. Donc, vous pouvez l'acheter en passant par assemblagerequipe.com, évidemment. Et non, je fais pas d'argent là-dessus. Ça serait le fun, hein? Ça serait vraiment le fun, hein? Si vous avez le furteur Chrome, ce qui n'est pas mon cas en ce moment, fait que je pourrais l'ouvrir, mais je ne le ferai pas. Si vous pouvez jouer au Lego virtuel sur le site buildwithchrome.com. Donc, je crois que toi, tu es sur Chrome en ce moment, ouais. François. Donc, si tu tapes buildwithchrome.com, tu vas pouvoir commencer à jouer au Lego dans ton furteur Chrome de Google. Donc, buildwithchrome.com. Ensuite, staggeringbeauty.com. Ça, c'est vraiment stupide, mais j'adore ça. C'est, je vais l'ouvrir ici. Je vais essayer de vous le faire entendre. C'est un espèce de serpent qui apparaît sur ton écran. Un serpent, un genre de bonhomme fait sur le long. Et quand tu le brasses, il brasse en même temps que toi. Ah ouais? Et quand tu brasses très, très vite... Ah! Ah boy! Ça fait ça. OK, ouais. Tu sais, le matin, c'est le fun, tu sais, je trouve. Ça pourrait être... Peut-être qu'on le réessaye. Oh! C'est marqué attention pour l'épilepsie, si jamais vous allez sur ce site-là. Staggeringbeauty.com et ça se met à shaker dans l'écran. Il y a plein de couleurs qui se passent et c'est super drôle. Il y a un nouveau jeu qui ressemble un petit peu à Quap. Tu te rappelles Quap dans le temps? Est-ce que tu avais déjà joué à ça? C'était. Tu étais un coureur sur une piste de course et les lettres QW contrôlaient tes cuisses et OP contrôlaient tes mollets. Il fallait que tu cours. Un petit peu en galopant avec tes touches. Là, j'ai pas joué. C'était très, très, très difficile. C'est dur de battre des records avec ça. À un moment donné, tu finissais par tourner à l'envers. Ah ouais. C'était bien drôle. Il y a une nouvelle. Nouvelle. L'article date quand même. Là, comme je vous dis, c'est les restants de ce que j'avais ramassé cet été. C'est Klopp. Est-ce que ça s'appelle Klopp? Oui, c'est ça. Le nom du jeu, c'est Klopp. Mais les lettres qu'on utilise, c'est K-H et J-L. Donc, c'est quatre touches qui sont toutes à côté de l'autre sur le clavier. K-H-J-L, H-J-K-S. Les quatre dernières lettres à droite de la deuxième rangée de lettres. Et tu contrôles une licorne. Donc, tu as quatre jambes à contrôler avec KHJL. Et puis, là aussi, vous allez vous retrouver à l'envers, c'est ouais, ça. J'imagine. C'est une fun affaire quand même. Il nous en reste deux petits derniers. Un nouveau Tumblr. tu sais, Tumblr, c'est des blogs à utilisation unique, je dirais. Et celui-là, c'est models ou justfarted.tumblr.com. Donc, c'est vraiment le site où on voit des top modèles qui ont l'air d'avoir pété, tu sais. Ils font une drôle de face de « j'ai pété ». C'est très, très mature. Donc, est-ce qu'on nomme les noms? Oui, c'est ça. Il y a Ginta Lapina. Tu sais, quand tu t'appelles Lapina. Ginta Lapina. Frida Gustafsson. Et bien sûr, je sais plus c'est qui. En tout cas, il y a un paquet de filles comme ça qui ont l'air d'avoir pété. Il y en a même une qui se pogne les fesses. Fait que, avec sa face. Quand tu pètes, tu pognes les fesses. Ben, c'est sûr. C'est bien connu. Et finalement, le dernier, c'est le text-only Twitter feed. C'est une nouvelle mode sur Twitter de prendre des choses qui sont dans le fond visuelles et les décrire en texte. C'est un peu comme la chronique CNX qui décrit des vidéos à la radio. C'est un peu l'équivalent de ça, mais sur Twitter. Donc, tu as text-only Instagram qui est sur le handle text-instagram où on te décrit, par exemple, capture d'écran de la météo d'aujourd'hui. Et c'est juste ça le statut, tu sais, parce que quelqu'un sur Instagram a posté une photo d'une capture d'écran de sa météo. Bien pratique. Ben, t'as aussi fanfiction, text only, cinemagram. Tu sais, cinemagram, c'est quand une photo ne bouge pas, sauf une partie de la photo qui bouge un petit peu. Ouais, ouais. Donc, on décrit par exemple deux amis, un avec l'œil qui bouge et l'autre qui fait bouger sa bouche. C'est text only, cinemagram. J'adore l'idée, je trouve ça vraiment bon. Voilà pour la chronique Cynix d'aujourd'hui. C'est ça qui est ça. Merci. Ça fait plaisir! Merci Mathieu, on a appris plein de choses. Ben tellement, c'est ça l'affaire dans toutes les chroniques, c'est que ce soit c'est un fait, c'est que ça devrait répondre là, ou CNX, on apprend que dalle. Ben oui, on apprend plein d'affaires, arrête donc. Oui, oui, c'est ça, arrête de te rabêcher, voyons donc! Mathieu Plante! Arrête de te rabêcher! Et pendant qu'on est sur Internet, tiens, tant qu'à ça, je me dis qu'on va devoir utiliser à bon escient une des touches préférées de tous les utilisateurs de PC et de Mac. Donc tous ensemble, allons-y avec la touche CTRL. CTRL. C'est une pièce de Gatineau qui s'appelle CTRL. Hein. Ça n'a aucun rapport, mais c'est ça qui est ça. Me sens comme une bombe à retardement qui pourrait exploser. penser à n'importe quel moment. Impossible de prévoir mes réactions en amont. Me démène de ben des misères contre mes démons. Cherche toujours à être compris sans devoir m'expliquer. À pouvoir me défendre sans même devoir répliquer. Quand on m'insulte, souvent, je me sais une réponse. Mais je sens quand même qu'à moi, qu'après l'attention au monde. Quand je prends les nerfs en premier, puis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier, puis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier, puis qu'après je penche. Quand j'agis sous l'impulsion, puis qu'après je tranche. Quand je prends les nerfs en premier, puis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier, puis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier, puis qu'après je penche. Quand j'agis sous l'impulsion, puis qu'après je tranche. Le prendre, d'artillerie sans jamais vraiment vouloir me rendre. Attaquer l'autre en prétextant, devoir me défendre. Tout détruit en pensant pouvoir renaître de mes cendres. Me suis débattu 20 fois pour pouvoir me déprendre. Perdu l'estime de moi jusqu'à vouloir me perdre. Je joue au dur, mais j'aspire tant à étendre. Encore une fois, j'ai bien de la misère à me comprendre. Quand je prends les nerfs en premier, puis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier, puis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier, puis qu'après je pense. Quand j'agis sous l'impulsion, puis qu'après je transe. Quand je prends les nerfs en premier. Et puis qu'après j'pense. Quand j'blesse l'autre en premier. Et puis qu'après j'pense. Quand j'prends dessus en premier. Et puis qu'après j'pense. Quand j'agis sous l'impulsion. Et puis qu'après j'tranche. Pis ma haine domine, ce que je remine comme mal, le mal même me mine. Demain je me dis pas très peut-être que je me dompe pis que je me domine. Y'a trop de stress, y'a trop de choses qui me blessent. Je pense trop facilement que le monde m'agresse. Me sens trop attaqué à chaque parole qu'on m'adresse. Je masque ma faiblesse dans des marques de maladresse. Ouais, quand on parle, je pense qu'on m'offense. J'use immédiatement de mécanismes de défense. Des réactions extrêmes, un peu trop intenses. Je me complais dans mon délire, dans ma propre trance. Quand je prends mes nerfs en premier pis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier pis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier pis qu'après je pense. Quand j'agis sous l'impulsion pis qu'après je transe. Quand je prends les nerfs en premier pis qu'après je pense. Quand je blesse l'autre en premier pis qu'après je pense. Quand je prends dessus en premier pis qu'après je pense. Quand j'agis sous l'impulsion pis qu'après je transe. Au retour, on apprend des choses dans cette feuille. On parle d'envol et macadam. On s'envole pas. On s'envole. Non, on. Crash landing? Crash landing, ouais. C'est bien. Ouais. C'est le fun. Hey, reste là. Hey. Hey. Bougez pas. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Toujours avec François-Louis Marchand et Mathieu Plante. Bon, c'est lundi matin. Oui. 7h29 minutes. C'est de bonheur. C'est de bonheur, mais on est là. On est là, on est sur le piton. On est sur le piton, on est pépé à matin. Push the button, yes, pépé. Pépé, c'est beau. Donc, François-Louis Marchand, FOM, foam mousse. Oh, plante. Oh, nouveau surnom. T'aimes ça? J'aime beaucoup ça. C'est le son que ça fait. Donc, François, on parle d'envol et macadam. Ouais, exactement. Écoute, j'en avais parlé, je pense, c'est jeudi dernier où le festival s'amorçait, le jeudi soir, le 6 septembre. En fait, j'y ai pas été le jeudi et malgré ça, écoute, je suis pas vraiment déçu. Pas beaucoup de gros groupes le vendredi, le jeudi. Et d'ailleurs, ça se passait plutôt dans les bars. Donc, okay. En fait, soit au Cercle ou au Scanner. Ça, évidemment, là, c'est dans le coin de Québec. Et sinon, écoute, le festival officiel dehors à l'extérieur au parc de l'Île aux Fleuries. Je sais pas si tu as déjà été. Non, je suis jamais allé, mais tu m'as déjà parlé du fait que c'était en dessous d'un pont. Là. Et c'est magnifique. Ouais. C'est un paysage urbain. Bref, écoute, c'est parfait dans le sens où c'est en dessous des viaducs, c'est en dessous de l'autoroute. Oui, viaduc. Et s'il mouille ou s'il mouille pas, en fait, t'es comme protégé. Ouais. Mais le son vient pas déranger, le son des voitures? Non, écoute, c'est en haut. En même temps, le son est tellement fort que ouais. T'entends plus rien. Même, t'entends même pas ton ami qui essaie de te parler. Non. étrange de... Mais bon, c'est ça. Sinon, écoute, le vendredi 6 septembre, il y avait... écoute, je te dis un peu les groupes qu'il y avait. Il y avait Young Empires, il y avait Lights. Lights qu'on connaît ici, ouais. Assez fou. Sinon, écoute, c'est un peu ça. Il y avait Fanny Bloom aussi qui jouait à minuit 45, et ça, c'est au Cercle. Donc samedi matin, si on ouais. veut. Est-ce que t'es allé la voir, Fanny Bloom? Non, j'ai pas été. J'ai seulement été samedi, mais d'ailleurs, on va se quitter sur une pièce de Fanny Bloom, justement, parce ouais. que j'ai pas été la voir. Et on l'aime bien ici, c'est fou. Ouais. Et puis, samedi, il y avait Lagwagon, August Burns Red, Winter Sleep et No Use for a Name. Ouais. Je t'avais dit d'ailleurs que No Use, on savait pas trop s'il allait être là ou pas. Ouais. Vu pourquoi que le chanteur est mort, en fait, je pense au mois d'août dernier. Attends un petit peu, j'ai la date ici, le 1er août. Donc, ça fait pas très longtemps, mais ils sont venus quand même. Ils sont venus quand même. Est-ce qu'il y a un remplaçant? Est-ce que... Non, c'est ça, mais en fait, il y avait comme la copine de Tony Sly, le chanteur, le défunt chanteur de No Use for a Name, est venu chanter, est venu d'ailleurs remercier les gens d'être présents, donner de l'amour comme ça au groupe, là, c'est un peu ça qu'elle a dit. Émouvant. Et Joey Cape, le chanteur de Lagwagon, qui est venu chanter d'ailleurs une couple de succès de No Use for a Name. D'ailleurs, ils n'ont pas joué excessivement longtemps. Ils ont dû jouer à environ 30 minutes. C'était juste plus pour saluer les spectateurs, là, en fait. Oui, ça, les remercier un petit peu, c'est ça, parce qu'il aurait pu aussi bien faire 0 minute. Hein, donc, une demi-heure, c'est mieux que rien. Ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, ils ramassaient des dons pour remettre à la famille, donc pour payer, je sais pas. Les dépenses funéraires, ça coûte quand même assez cher. Dépenses funéraires et aussi peut-être pour ses filles. Je sais que Tony Sly avait des enfants, donc... Les envoyer au collège, peut-être. Peut-être, espérons-le. Voilà, c'était bien. J'aurais aimé ça. C'est sûr que en fait, quand sa femme chantait, c'était pas excessivement génial. C'est pas qualité, c'est émotion. C'était émotif, c'était symbolique. Écoute, sinon, je pense que en fait, on voyait un peu que les gars sur le stage là, avaient du fun entre eux autres. Ouais. Étaient contents de se voir. D'ailleurs, leur dernier spectacle qu'ils avaient fait, c'est Sti au Québec, au festival cet été, Detox Rockfest, ouais. qui se déroule à Montebello. Donc, ils ont joué, c'est ça, le 15 juin dernier. Ça, c'était le dernier spectacle avant la mort de Tony Sly, chanteur de No Use for a Name. Et quand, en fait, Lagwagon a embarqué sur le stage, ça a été complètement fou. Lagwagon, je les avais jamais vus en spectacle. Okay. C'est bon. Il y avait quand même beaucoup de monde. Écoute, évaluer une foule, je suis vraiment très mauvais pour ça. Je dirais peut-être, 1000 personnes. Beaucoup, là, tu sais. Beaucoup, exactement. Et d'ailleurs, il faisait froid. Il mouillait. Oui. Tu sais, c'était pas des conditions idéales. Mais malgré que ce soit le parc de l'Île aux Fleuries, en fait, on était comme protégé de la pluie. Mais c'est sûr que, tu sais, ça reste de la bouette, ça reste assez chaotique là, comme environnement, ouais. mettons. Mais c'est sinon... comme nom, hein? L'Île aux Fleuries, c'est pas très bien. Ouais, je sais pas pourquoi, en fait. Là. C'est comme la ville Montebello, c'est pas très bien. Ouais, c'est pas génial. Et d'ailleurs, il y avait comme un gros stage, comparativement à l'année dernière où il y en avait deux, où ce qui jouait en alternance, là, il y en avait seulement un. Il y avait deux tentes, par exemple, où ce qu'on pouvait voir les autres groupes, là, les autres groupes un peu plus underground, si on veut. Mm-hmm. Donc, qui jouaient en même temps. D'ailleurs, ça, c'est un peu plate. Donc, j'ai pas pu voir Winter Sleep parce que j'ai opté pour Lagwagon. Tu sais, j'aurais aimé ça. C'était l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas eu de mash-up entre des groupes, genre, qui ont joué en même temps des chansons de l'autre, puis pas de niaisage de même, non? Ben, non. Non, non, non, non. Non. Et d'ailleurs, vois-tu, sincèrement, je suis quand même arrivé tard aussi le samedi. J'ai dû arriver vers les 8h15. Ça commence à quelle heure? Ça commençait à 15h30. OK, oui. Mais tu sais, il y a des groupes que, en fait... Dont tu te fous complètement. Ben, exactement. Que t'aurais pu découvrir, mais quand même. Ouais, c'est ça, exact, mais bon. Donc voilà, et en fait, ça valait la peine. Je pense que c'est un festival aussi qui est quand même assez unique dans son style, où ce qui encourage beaucoup les groupes underground, la relève aussi musicale. Ça se déroule à Québec, c'est pas loin, ça vaut la peine, sincèrement. Je pense que l'année prochaine, tenez-vous à l'affût. D'ailleurs, c'est un des derniers festivals dehors, en fait, de l'été. Là, ouais. Ça marque peut-être la fin de la saison, en tout cas pour moi, là. Il y en a plein d'autres, mais tout ressemble dedans. Ouais, mais je suis en plus. Fait que c'est ça, ça se déroulait du 6 au 8 septembre 2012 et soutenant dans les mêmes dates. Là, donc. Parfait. Vous pouvez d'ailleurs visiter le site internet envolemacadam.com. Toute la programmation était là. Les partenaires, il y a plein. Des photos d'ailleurs aussi. Ah! Ça peut être intéressant. Good! Merci voilà. François. Ça fait plaisir. On a les billets à faire tirer pour le spectacle de Normandie il y a trois mois. Ouais, c'est pas c'est... trois semaines. Non, c'était une semaine. Le temps passe pas si vite que ça quand même. On va écouter du Fanny Bloom. Oui! Quelle pièce tu nous as choisi, François? Parfait. Quelle pièce tu nous as choisi? Non, c'est la blague. Ouais, non, c'est ça. C'était parfait. Pour dire que le festival, en fait, c'était très bien. Là. J'ai vraiment aimé ça. La prochaine fois, là, je vous le conseille. Au moins une fois. Ouais. Juste pour voir le site. Oui. Ça peut vous donner des idées. OK. C'est un assemblage requis jusqu'à 9h. And I have to keep telling. myself that I am just a hypocrite, and I have to keep calling you one, 'cause I forgot to bite my tongue, and my assumption, it is the mother of all mistakes. But I assume the role, open my mouth, to your replacement, a bottle in my mouth, in an unfamiliar place, 'cause you put me out, the butt of a sick joke, into this ashtray life, as you come and go. 'Cause I forgot to service you, and we broke down, and you can't live with my mistakes. But I assume false grace, open my arms, and grasp for something true. How are you? Une pièce de Tony Sly et Joey Cape. Joey Cape, d'ailleurs, qui était le chanteur de... Ben, qui est le chanteur de La Gwagon. Et Tony Sly, le défunt chanteur de No Use for a Name. Deux groupes qui étaient en spectacle au festival En Vallée Macadam cette année. Et on s'en a entendu Fanny Bloom, qui était aussi en spectacle En Vallée Macadam. Oui. C'est la pièce. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Parfait. Parle-moi de ça, okay. François. Ouais. Ah. Parle-moi de des choses vraies comme ça. Ouais, c'est ça qu'on a fait. Véridique, mettons. Et vérifiable, c'est vérifiable, ça, ce ouais, que tu dis? Puis l'autre, c'est véritable, je pense. Non. Ouais, c'est un fait. « C'est un fait, c'est la chronique. Donc, des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les 3 V. Hein? VVV, ça va boum. On parle tantôt dans CNX de ha-ha-ha, là, mort de rire. C'était WWW au Japon. Nous autres, ici, c'est VVV. Et ça veut dire que c'est vrai. Donc, créé par les Native Americans, c'est les Amérindiens. Donc, le sport de la crosse. Okay. Au départ, c'était utilisé pour endurcir les hommes qui s'en allaient à la guerre. Ah oh, ouais, ouais, ouais. La crasse. Ça a l'air d'être raide. Sincèrement, ce sport-là, ça a l'air quand même assez... écoute, je te crois quand tu dis ça. C'est très raide, ça endurcit les choses pas mal, ça. La crosse. On n'a pas fait du bien. Non. Au tir à l'arc, lorsqu'une flèche perce une autre flèche qui est déjà dans le bullseye, dans le milieu de la cible, okay, ça s'appelle un Robin des Bois, un Robin Hood. Ouais, ça existe? Je ne savais pas ça. Ben oui, fendre une flèche. Ouais, c'est rare. Ouais, pas facile. Les golfeurs japonais qui font un trou d'un coup... Okay. Ouais. Doivent acheter la boisson, le repas et des cadeaux pour les membres de son club, dans le fond du groupe de gens qui jouent au golf ensemble, et pour leurs amis, ce qui peut coûter plus de 10 000 $. Ben voyons donc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les golfeurs japonais. Un huddle au football, tu sais, football, là, quand tout le monde se rassemble ensemble, comment t'appelles ça? Un rassemblement, tout le monde se parle. Huddle, caucus, genre. Ouais. si on veut, un caucus. Ouais. Donc ça a commencé à cause de d'un joueur sourd qui utilisait le langage des signes pour communiquer. Pour vrai? C'est vrai. Et comme ça, les autres équipes pouvaient pas voir ce qu'il se disait, ce qu'il se faisait comme signe. Et donc, c'est resté. Ah, c'est bien. Excellent. C'est pas ça qu'on trouve le nom de ça, c'est la fin de la chronique. Un huddle. Je sais pas. Ben, un caucus. Un caucus, si on veut. Un rassemblement de gens. Oh, ouais. On a terminé le bloc de sport. Maintenant, d'autres faits. En général, vos lobes d'oreilles sont devine. Avec quoi sont alignés? Ah, les mamelons! Les mamelons! Les mamelons! Les mamelons! Ah, avec tes signes, c'était évident? Ouais, ben là, c'est que mes mamelons sont... ouais. Flatter un chat, d'accord? Flatter un chat, ça peut aider à descendre ta pression. Okay? Et pas juste pour les humains, mais pour le chat aussi, ça descend sa pression au chat. Ah ouais? C'est le fun! C'est le fun! La personne de 78 ans, OK? La personne moyenne qui a 78 ans a passé 3 mois de sa vie à attendre, 4 années de sa vie à faire le ménage et 16 heures de sa vie à avoir des orgasmes. Eh bien. À chaque seconde, 28 258 utilisateurs d'Internet regardent de la porno. OK. En Géorgie, on a un mot pour quand tu te sens plein, OK? Tu te sens comme... Tu sais, t'es bourré là, mais qui peuvent pas s'empêcher de manger un repas tellement il est bon. Le mot, c'est « chemo medjamo ». Hey, je me sens un chemin medjamo. Chemo medjamo. Et Colin, quand t'es plein, mais que tu veux continuer de manger parce que c'est trop bon. Facebook est lié apparemment à un divorce sur 5 aux États-Unis. Et ça augmente dans plusieurs pays. Un divorce sur 5 causé par Facebook. La femme moyenne sourit 62 fois par jour. OK. Et l'homme, lui, qu'est-ce que t'en penses? 34. 8. 8? Et tabarouette. C'est quoi ça? C'est 62 divisé en 2, ça fait... Ça fait 31. 34, 38? Hein? 68 divisé par 2? 62 divisé en 2, 62. Ça fait 31. Ouais. Après ça, tu divises en 2, ça fait quoi? 15,5 là? Ouais, 15,5. Tu divises en 2, presque, ça fait... Ça fait... Alors, Steve Jobs a dit que utiliser le LSD était une des 2 ou 3 choses les plus importantes qu'il a fait dans sa vie. Utiliser du LSD. Sa créativité, j'imagine, a augmenté. Avant qu'on invente le papier de toilette, et là j'avertis le public, cœur sensible, etc., les Hawaïens utilisaient des coquilles de noix de coco. C'est pas du Charmin, ça? Ah! la pupille de l'œil grossit d'autant, de plus ou moins 45%, ça peut se rendre jusqu'à 45%, lorsqu'on regarde quelqu'un qui nous plaît. Okay. La pupille de l'œil grossit. Ah! Eh bien. Les porc-épics femelles. On utilise des bâtons de bois comme dildo. Mais non. C'est véritable et vérifiable, ça. C'est vérifiable, c'est ce qu'il dit. Oh boy. Ton nez. Qu'est-ce qu'il y a? Peut se souvenir de 50 000 odeurs. Et t'as pas prête. Quand même, hein? Sans pas un bâton, après. selon National Geographic, les roues... OK. Pourrait être en extinction d'ici à l'année 2060. Parce que tu sais que c'est comme un genre de défaut, un genre de défaut génétique. J'avais déjà parlé de ça à un moment donné, je me rappelle pas du fait au complet, mais c'est un défaut génétique. Et bref, ça pourrait devenir... Ouais, ça pourrait. C'est terminé. Je pense pas. pense pas. Ben, non. Non. Non. Bon. Non. D'accord. Toi, tu penses que oui? Ben, je sais pas, c'est des experts. Qui suis-je pour consulter les experts? Ça pourrait. Ça pourrait d'ici à 2076, potentiellement. Il se peut bien plein d'affaires. Il y a bien des affaires qui se peuvent, oui. OK, je réalise que j'ai laissé quelques faits que je devrais garder pour notre édition Kinky. OK, je la garde pour plus tard. OK. OK. 5 minutes après s'être réveillé, la moitié de ton rêve va déjà avoir été oubliée. Okay. Et à l'intérieur de 10 minutes, 90% de ton rêve va avoir été oublié. C'est pour ça qu'on dit, quand tu veux te rappeler de tes rêves, il faut qu'aussitôt que tu te réveilles, que tu les écrives. Parce que tu les oublies très rapidement. Ça prend seulement 7 secondes pour déterminer si une autre personne est attirante à tes yeux. 7 secondes? 7 secondes pour tout juger. Je trouve ça long? Ouais, c'est un peu long. Les magasins IKEA sont faits en forme de labyrinthe pour empêcher leurs clients de partir en cours de route. Ça, j'avoue que c'est évident quand on y pense, là, mais c'est bon à savoir. Ouais. Tu sais, c'est un labyrinthe, tu suis les flèches, etc. En passant, personne suit les flèches chez IKEA ou quoi, là. C'est quoi le but? Les flèches sont pas assez grosses, sont non, pas de couleur. Ouais, mais des fois, j'imagine que tu essaies de prendre des shortcuts, là, parce que, écoute, si tu cherches de quoi, qu'ils se retrouvent complètement à l'autre bout. Ça, c'est sûr. Mais ceux qui font tout le trajet à l'envers, dans le sens contraire des flèches, moi, ça me tape ses nerfs. Je m'en vais parler avec mon panier, moi. Ouais. Mais ils ont peut-être oublié quelque chose. Peut-être. Je sais pas. Il y en a pas tant que ça. Parce que des fois que j'y étais, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais, je vois le mauvais jour, je pense. Bon. Je l'ai déjà fait ça avec les requins. Alors, je vais le répéter au cas où. Pour chaque humain tué par un requin, 2 millions de requins sont tués par des humains. Oh, c'est ce que j'avais déjà dit, je me rappelle. Ouais. Les chances d'un mari ou d'une femme de devenir obèse augmentent de 37% si son partenaire est aussi obèse. Okay. L'obésité entraîne l'obésité et l'encouragement, le désencouragement et le mangeons ce qu'on veut. Ariel est la seule princesse Disney qui a eu un enfant. Lorsqu'un homme voit une femme qu'il trouve attirante, il retient son regard, il tient son regard sur elle pendant en moyenne 8,2 secondes. OK. Tu sais, on disait que ça prenait 7 minutes. 7 secondes. Pour déterminer, 7 secondes, excuse-moi, pour déterminer l'attirance de quelqu'un. Mais on la fixe pendant 8,2 secondes. Fait que tu la trouves cute puis il te reste 1,2 secondes avant de te tanner, ça. Ouf! Quelqu'un qui souffre de motion blindness. J'ai pas été chercher le terme en français, mais motion blindness, c'est un désordre qu'on peut avoir. Ça fait que la personne ne voit pas le monde en mouvement, mais plus dans une série de galeries de photos. C'est un peu comme sur Internet, là, un slideshow, là, des snapshots. Donc, c'est quelqu'un qui a le motion blindness, il ne verra pas toute la galerie d'images, 30 images secondes, ou je sais pas, dans le fond, sûrement que là, il en voit pas mal plus que ça. Je sais pas. Je connais pas ça. Cas, le nombre d'images par seconde, il en voit juste quelques-unes là-dedans. Bill Gates il a dit à ses professeurs à l'université qu'il serait millionnaire avant l'âge de 30 ans. Mais le gars est un échec, OK? Sa vie est un échec. À 31 ans. 31 ans. Oui. Il est devenu millionnaire à 31 ans, pauvre gars. Ah, il était pas loin. Pauvre, chouette. Ah, je suis triste pour lui. Un sondage a découvert qu'une femme sur 5 a terminé une relation, OK? Clos une relation, parce que son copain, sa copine, était trop occupé à jouer à des jeux vidéo. Oh. Le syndrome de Cortard, c'est un désordre mental où une personne croit qu'il ou elle est mort ou n'existe pas. Tu penses toi-même que t'es mort ou que t'existes pas. Hey! C'est bizarre, ça. C'est vraiment étrange. Les femmes vont se souvenir plus des hommes avec une voix profonde que les gars qui ont une voix aiguë. Plus aiguë! Plus aiguë! La misère avec ça, les aiguës! Seulement une personne par 2 milliards va vivre jusqu'à 116 ans. Une personne sur 2 milliards? 2 milliards! Vivre jusqu'à 116 ans. 116 ans! 116 ans. C'est comme vivre 116 ans. Hein? C'est comme... C'est 116 ans. Oh. T'as pas pris? Pas pris. Pas pris. Louis Vuitton. Tu connais Louis Vuitton? Ouais, les sacoches, il fait des sacoches, ouais, c'est ça. Les seules affaires qu'on connaît lui, c'est ses sacoches. Il fait plein d'autres choses, mais bon. Dans le fond, la compagnie, pas la personne, la compagnie Louis Vuitton, brûle toute sa marchandise qui n'est pas vendue pour qu'elle ne soit pas vendue à rabais mais plus tard. Dernier petit fait rapide, on va se quitter là-dessus pour revenir plus tard avec un blog jeux vidéo. On se termine ça sur le fait que 92% des chansons pop parlent de sexe. Voici Rococo, les Guns, Sex and Glory. You shook like you meant it. trick to headed reflection. Stay blind to protect it. Then we were alone. You took like you meant it. Step into the tempest. Undone with the restless. When we Yes, Guns, Sex, Glory par Rocco Code. Ah, Assemblage Rocky. Toutes des belles valeurs. Je trouve ça bon. Oui, tout à fait. Ça résume... La vie de Mathieu Plante. La vie dans mon quartier, là, la rue. Tu sais. Ton hein? Hood. Mon hood, le ghetto. Bon. Tu sais, voilà. Quand on vient de la même place. À peu près ça. On va terminer la première heure ici. On revient tantôt avec une deuxième partie de C'est un fait sur les jeux vidéo. Puis on va avoir aussi Alexandra Carignan. Oui! Oui! Chroniqueur, le spectacle et la face cachée de la Trifluvie tout à l'heure. Mais pour l'instant, ben, on s'achète des affaires. On s'achète des affaires. Des chaufferettes. On essaye. Des gaufrettes. Moi, je s'achèterais plus des gaufrettes que des chaufrettes. Canadien Tire n'a pas ça, des gaufrettes. Non, des gaufrettes, ça. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. De retour à Assemblage Requis en ce lundi 10 septembre. My name is what? My name is Matt Plante. Oh! Et moi, François Olivier. Donc, deuxième heure de cette émission matinale en pièces détachées qui continue avec Bio Bazar. Voici And Friends au 89 FM. C'est fou. What? What? My name is what? Pro! Come on, Matt. Yeah, man. Hein? C'est plus un reggae que d'autres choses. On fait les deux. Biobazar et la pièce And Friends, une pièce de l'album Obum Contech, c'est tout nouveau. Et allez voir dannyjanvier.com pour plus d'infos sur ce Danny Janvier. Et écoutez-le donc au dîner de cons, lundi au jeudi, entre 11h et 13h, heure de l'Est. C'est vous, 80 FM, l'air du campus de Trois-Rivières. Peux-tu parler plus vite? C'est assez fou. Les gens n'ont rien compris. 11h à 13h aujourd'hui, et mardi, et mercredi, et jeudi. Et vendredi, non. C'est reclassé. C'est vrai, oui. Avec monsieur? Non, oui. Alain Lefebvre. C'est ça? C'est ça. On se complète bien. Sieur Lefebvre. Sieur. C'est plus Sir. Sir. Mais il n'a pas été. Il n'est pas encore chevalier de. Non. C'est beau. Un jour. Peut-être. Un jour. Continuons avec la deuxième partie de C'est un fait. Et on se fait un petit bloc jeux vidéo pour l'instant. Commençons avec Mario Tennis sur Nintendo 64. Le personnage de Waluigi. Tu connais Waluigi? Non. C'est celui qui est mauve, grand, qui ressemble à Luigi, mais avec une moustache en... Genre son frère. C'est son frère, genre. Donc, Waluigi a été créé comme ennemi contre Luigi, dans le fond. On parlait aussi d'avoir un contrepartie à la princesse Peach. Je sais pas comment elle se serait appelée ou si elle aurait eu une moustache. Comment on dirait ça pour pas dire de ré? Si elle avait... Si elle avait eu... Ça se dirait pas non plus. Si elle avait... Non. Pourquoi ça dit pas? Ben, parce que ça dit pas si elle avait une moustache. Si elle avait eu si elle aurait eu une moustache. Si elle avait été un personnage, parce qu'elle l'est pas, là. C'est du conditionnel. Si elle l'avait eu... Ouais, mais si elle existait... On était supposé faire ça vite, cette chronique-là. Hein? Je comprends. Donc, il était supposé avoir une Princess Peach version Evil, si on veut. Evil Knievel. Evil Knievel. On avait proposé le personnage de Warupichi. C'était son nom. Warupichi. Et finalement, ça a été c'est annulé par Miyamoto, le créateur de Mario. Est-ce que t'es comme moi, Mathieu, où tu trouves que des fois, Nintendo, on met beaucoup de personnages pour... Ouais. Des fois, pas grand-chose. Aucune raison du tout, tout à fait. Dans les Mario Kart, là, t'avais Mario, Luigi, Waluigi, Peach. Wario... Bébé Mario. Ah ouais? Bébé Luigi. Ah. Bébé Princesse. Non, mais il y en a trop, là. Mais je comprends qu'ils veulent essayer de donner de la variété, mais c'est parce que c'est tous les mêmes personnages. Ouais, c'est ça. Et Mario et Mario Bébé, c'est encore plus le même. Là. C'est physiquement, dans la vie, un peu plus petit. La même personne. Ouais. Dans Super Mario 64, le rire diabolique de Bowser est en fait... Attends un peu, j'ai l'extrait sonore ici. J'ai l'extrait sonore, ça va être pas mal meilleur avec des sons qui n'ont pas de son. Attention! Preuve audio. Est-ce que ça part? Ah, c'est ça ici. OK. Ça, c'était Bowser. Là, on l'accélère. Et ça, c'était le bout. Ah ouais? Tu sais, le petit bout fantôme. Ah ouais? Hein? C'est pas pire, hein? C'est pas pire, pantoute. Donc, c'est le même rire, mais accéléré. Dans God of War sur la PlayStation 2, il y a deux statues à la fin du jeu et si tu la frappes, il se passe rien. En fait, il n'y a rien qui dit qu'il se passe quelque chose. Okay? Okay. Mais si tu continues de frapper entre 200 et 400 fois, la statue va briser. Il y a un message. En fait, il va apparaître un code à l'écran. C'est un numéro de téléphone 1-800. Okay? Si tu appelles ce numéro-là, on va te passer à une conversation enregistrée entre Kratos, le personnage de God of War, et David Jaffe, le créateur, le réalisateur du jeu. Kratos va éventuellement en avoir assez de David et va le tuer, ce qui va terminer l'appel téléphonique. Si tu frappes une statue à la fin. Oh boy. Entre 200 et 400 fois, faut vouloir. Hein? Appuyez sur B pendant le générique du logiciel pour la Game Boy Camera. Tu sais, la caméra qui se branchait sur un Game Boy qui prenait des photos noir et blanc. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est appuyé. Tu peux les imprimer, moi, mais. Oui, il y avait des petits autocollants. Ouais. Là, c'est ton casier, c'était bien à la mode. Ouais. Bien à la mode, on dit vite, là. Je veux dire ça. Donc, si tu appuyais sur B pendant le générique, tu voyais Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, encore une fois, danser. Et on voit pas vraiment avec la qualité de l'image là, qui est tellement mauvaise, mais on accepte généralement que c'est vraiment Shigeru Miyamoto. Tant OK. Dans les publicités nord-américaines pour la PlayStation originale, Sony a caché plusieurs messages subliminaux, nous dit-on. Le plus évident était « You are not E ». OK, mais le « E » était rouge. Donc, « You are not ready ». Vous n'êtes pas prêt. OK. Donc, il y avait quelques codes de triche pour certains jeux, de cacher dans les publicités aussi. Et un autre était un « E » rouge, « Nos Lives », ce qui voulait dire « Ready 9th of September ». Donc, prêt le 9 septembre, c'était la date de sortie de la PlayStation originale. Eh bien. Dans le jeu Earthbound, il y a une section où le personnage principal, Ness, entre dans son propre subconscient. Dans ce segment-là, en Amérique du Nord, le jeu montrait Ness en pyjama, mais dans la version japonaise, il était presque complètement nu. Il portait seulement son chapeau, sa casquette. OK. Ça a été censuré. Ensuite, dans Colin McRae Rally, pour la PlayStation première du nom, jouer au Corrigan House Stage pendant la nuit et se promener sur une route qui est bloquée. Dans le fond, on va faire que ta voiture va avoir un genre de l'électricité va arrêter dans ta voiture, finalement. Il va y avoir comme une panne. Ça va être suivi d'un ovni qui va passer par-dessus ta tête et qui va t'enlever dedans de ta voiture. Et tu vas revenir à la piste, mais ta voiture va être faite en jello. Hey boy! Ta voiture va être faite en jello. C'est pas génial, ça? Quelques petits derniers. On vient avec Phantasy Star 3. Au début du jeu, c'est possible de vendre ton équipement pour acheter un escapipe, okay, qui est un article qui te permet de quitter un donjon. Donc, on te jette ensuite dans un donjon. C'est ton père, dans le fond, qui te jette dans un donjon et c'est possible de quitter en utilisant l'escapipe que tu as acheté. Okay. Ça va t'amener à une conversation seule et unique, donc une conversation qui n'arrive que dans ce cas-là, où ton père va te dire qu'une technique comme celle-là serait intelligente normalement, mais que dans ce cas-ci, tu as brisé le jeu et que tu dois recommencer au début. Pour vrai? Donc, tu as acheté ton escapipe pour pouvoir t'en sortir plus tard de ce donjon-là. Mais non, tu vas recommencer au début. Eh hey boy! C'est génial. J'adore l'idée. C'est quoi le jeu? C'était, un instant, c'était dans Phantasy Star 3. OK. Donc, un jeu de rôle, je pense, un genre de jeu de rôle. Pas drôle, haha! Non, de rôle. Dans Spyro 2, Ripto's Rage, il y a un gros ennemi orange avec une genre de grosse clé. Tu sais, une clé genre... Une clé à molette. Ouais, c'est ça, une clé pour des boulons, des affaires comme ça. Et il y a un petit robot qui l'accompagne. Voilà. Donc, c'est un petit peu la base qui a servi plus tard pour créer les personnages de Ratchet & Clank. Insomniac Games a développé Spyro et Ratchet & Clank, donc ils se sont inspirés de personnages dans Spyro pour plus tard créer Ratchet & Clank. Voilà. Et le dernier, Nintendo a payé 80 millions de dollars pour fournir des gants aux joueurs qui s'étaient fait mal aux mains en jouant à Mario Party. Tu sais, il y avait des jeux où tu faisais tourner ton joystick avec tes... Tu sais, puis il y en a qui se sont fait mal aux mains, donc Nintendo a payé 80 millions de dollars à ces joueurs-là. Eh bien. Et ben! Voilà pour la chronique C'est un fait. Dans quelques minutes, secondes, on va parler avec Alexandra Carignan qui s'en vient pour ses deux chroniques art et spectacle et la face cachée de la trifluvie. Mais pour l'instant, what the fun? C'est pas celle-là, c'est celle-ci. What the fun? OK Go et WTF à Assemblage Rocky. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu du OK Go sur leur album Of the Blue Color of the Sky. Maintenant, François-Olivier. Mathieu Plante. On parle avec Alexandra Carignan, qui est juste là. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Oui, levé juste à la bonne heure et tout s'est passé parfaitement ce matin. Ben oui, selon mon horaire, à la lettre. Préétabli. Ça a l'air vrai. Hein? Donc, tu nous parles d'art et spectacle aujourd'hui. Oui, exactement. Et plus particulièrement de la Luître cette semaine. Ça commence cette semaine. Ça commence cette semaine, exactement. C'est la saison des fruits de mer. Et oui, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Une ligue qui est bien établie sur le campus et qui, depuis plusieurs années, attire de nombreux spectateurs. Et on en veut toujours. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Mais il faut le dire, là, c'est grâce à trois messieurs. Donc, Louis-Étienne Villeneuve, Pascal Chalet-Janson et Maxime Tanguay qui ont relancé la Ligue. Ce nom me dit quelque chose. Ben oui, c'est mon copain. Mais c'est, en fait, c'est, ces trois gars-là ont reconstruit la Ligue au complet parce que, en fait, Pascal Chalet-Janson, quand il a fait sa deuxième année d'improvisation, il était le seul qui restait de toute la Ligue. Oh. Tout le reste était parti. Donc, lui, il savait que Maxime et Louis-Étienne s'en venaient à l'université en même temps. Alors, il a dit « Hey, les gars, on pourrait rebâtir la Ligue d'improvisation. » Et ce sont eux qui ont instauré vraiment la tradition qu'on connaît aujourd'hui, d'avoir autant de personnes dans la chasse-galerie. Et ça commence ce soir. C'est le match promo. C'est bien simple. Le match promo, normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on voit les quatre capitaines qui jouent contre quelque chose. L'année dernière, c'était quatre anciens de la Luître. Cette année, on a décidé d'upgrader ça encore plus. Ah. C'est les quatre capitaines qui vont jouer contre François Laneuville seulement. François Laneuville, qui est une légende dans le domaine de l'improvisation à Trois-Rivières. Donc, c'est quelqu'un qui a été dans la LIM pendant longtemps, donc la Ligue d'improvisation mauricienne, et qui fait partie de plusieurs pièces de théâtre. D'ailleurs, l'année dernière ou l'année d'avant, si vous avez vu « Appelez-moi Stéphane », eh bien, c'est Stéphane du TGP, du Théâtre des gens de la place. Donc, il est dans le milieu de Trois-Rivières et il est bon. C'est quelqu'un qui... 4-1. Mais, ça n'a pas l'air juste. Là, ça pas l'air sincèrement, là, je pense que les capitaines vont se faire péter ailleurs. Oh, c'est eux qui ont créé ça d'avance. Mais oui, mais en même temps, ça. Ils connaissent François. Ouais, ils savent que François Laneuville va donner un bon spectacle. Oui. N'importe quand. Et les quatre garçons, à part... en fait, il y a seulement deux capitaines qui connaissent vraiment François Laneuville. Les quatre capitaines cette année, c'est Maxime Tanguay, l'équipe des Bleus. C'est Alexandre Laramé-Zouéki, les équipes des Oranges. Ah, oui. Jean-René Cocotte-Boutin, l'équipe des Rouges. Et Dave Bellé, l'équipe des Verts. Donc, Dave Bellé et Maxime connaissent François Laneuville. Pour ce qui est de Jean-René et Alex et d'autres choses, ça va être leur premier contact avec la légende trifluvienne. J'espère qu'ils sont prêts. Mais ça promet, parce que les quatre capitaines sont bons, déjà en partant, c'est des improvisateurs qui ont fait leur preuve. Contre François Laneuville, moi, en tout cas, je dis que ça va être très, très bon. C'est à 20h. Les paris sont faits. Oui, ben en fait, c'est clair que je mets sur François Laneuville. Non, mais c'est drôle de voir comment, dans le passé, l'ancienne génération de la Luître était composée en grosse partie d'animateurs de C'est fou. Ouais. Et là, avec le renouveau, c'est encore la même chose. Alexandre Laramé-Zouéki qui s'en revient assez fou. Oui. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Pascal Chalet-Janson a animé C'est pas Cancun. Maxime Tanguay aussi. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Ben, en fait, il y a Alex Drouin l'année dernière qui était dans l'équipe des Oranges et qui a animé 2 millions d'émissions. Ouais, à peu près. Maxime Tanguay qui va, je peux le révéler parce qu'on l'a déjà dit en public, qui va être un des nouveaux chroniqueurs d'Assemblage Rocky. Oui. Très bientôt. On le félicite là-dessus. Grand privilège. Donc, si vous, c'est tous des noms qui vous font, mon Dieu, mais c'est qui? Ben, venez les voir ce soir à la Luître, 20h à la Chasse-Galerie. C'est gratuit. Donc, vous avez seulement à emmener vos fesses et vous achetez une bonne bière. Écoutez, ou de l'eau ou du jus. Ou de l'eau ou du jus, vous avez le droit. Hein? Et ils font des très bons cafés à la Chasse-Galerie. Oui. Et assister au spectacle. Donc, c'est sûr que arriver. De bonne heure quand même. Quand même de bonne heure parce que l'année dernière, là, les personnes commencent à arriver à 7h30 et souvent, il faut aller rechercher des chaises dans le 10-12 parce qu'il n'y a plus de place dans la chasse. Alors, c'est sûr que toutes les places sont bonnes. On voit quand même très bien et on dit aux improvisateurs de parler fort. Ouais, ouais. Donc, vous n'avez pas de problème avec ça. Mais arrivez d'avance, ça va être un très bon spectacle. Et si vous voulez faire de l'improvisation... Oh, on peut! Il n'est pas trop tard. On peut faire de l'improvisation. Il n'est vraiment pas trop tard. Il faudrait être drôle, François. Non, je sais, je sais. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un camp de recrutement. Là. Exactement. C'est pas parce que tu veux que nécessairement... Il y a un camp de recrutement. Il faut pas nécessairement... T'as dit qu'il fallait être drôle. Je disais François. Moi, je suis pas drôle dans la vie, mais je fais de l'improvisation pareil. Ah, mais t'es drôle. Mais t'es semi-drôle. Je suis semi-drôle, François. Non, mais en fait, écoute, t'es voilà. Semi-drôle dans la vie, courant. C'est semi-gentil, je me sens super mal. Ben, j'espère bien. Non, mais je suis pas une fille qui va gailler tout le temps. L'improvisation, ça peut être un côté un peu plus théâtral. Oui, c'est très reaction c'est shot. C'est pas un comic show, là. Ouais. C'est un espèce de théâtre spontané qui, effectivement, quand tu fais des petits gags salés, ça peut t'amener un point. Ça, on peut pas le cacher. Alors, le camp de recrutement, comme François-Olivier l'a dit, c'est la semaine prochaine, donc le 17 et le 18 septembre, à la salle Rodolphe Mathieu du pavillon Michel Sarrazin. Donc, le pavillon complètement au bout Alors, du bout. Pavillon. C'est les arts, Michel Sarrazin? Non, Michel Sarrazin, c'est Psycho. Ah, Psycho. Okay. Ouais, donc Michel Sarrazin, et là, si vous vous rappelez plus du nom, c'est la grande salle au deuxième étage, qui est une espèce de mini amphithéâtre. Oui, donc, c'est la beau, salle Rodolphe. C'est très beau. Ouais. Il y a une acoustique. En fait, je pense que c'était le pavillon des musiques avant. Ah. Et c'est pour ça qu'il y a une aussi belle salle et une très belle acoustique, justement. Donc, à la salle Rodolphe Mathieu, le 17 et le 18, on n'a pas besoin d'être là les deux jours. Pour être éligible à faire partie d'une équipe de la Luitre, vous pouvez être là seulement le 17 ou le 18. Mais c'est sûr qu'être là les deux jours, ça permet au capitaine de vous voir plus, donc d'avoir plus de points. Donc, okay. Moi, c'est ma petite... C'est ce que tu ferais. Ouais, moi, c'est ce que je ferais. Et puis, c'est les capitaines qui vont choisir? Oui. Je te veux dans mon équipe. Exactement. Les quatre capitaines sont dans le fond de la salle et eux assistent à ce camp de recrutement-là. Ça me ramène des souvenirs du ballon chasseur. Ils prennent des notes et ainsi de suite. Et en fait, le 18, ça va terminer vers 10h, le camp. Le 18, les capitaines s'en vont dans un endroit avec un Wi-Fi gratuit. L'année dernière, c'est le McDo. OK, il reste Tim, c'est nouveau, je pense. Hein? Pardon? Tim, c'est nouveau, il y a du Wi-Fi. Ah, bon, ben, il n'y a pas de Tim proche, par exemple, c'est ça. Ah oui, ben, à côté. Bon, bref, on verra où est-ce qu'ils s'en vont. Bref, ils s'en vont à un endroit, ils vont faire leur équipe de 4 joueurs et un substitut, et à minuit tapant, ils envoient un email à toutes les personnes qui ont été recrutées, aussi à celles qui ne l'ont pas été pour leur dire désolé, venez assister au match et tout. Mais bref, toutes les personnes qui ont été recrutées doivent se retrouver à un endroit secret, et là, c'est le party de recrutement. C'est comme une secte. C'est comme une secte. C'est caché. Parfait. Wow. Mais bref, c'est sûr que, mais en même temps, si vous n'êtes pas disponible à minuit, c'est pas grave. On vous aime pareil, mais c'est là qu'on fait le dévoilement des équipes, en fait. Alors, le 17 et le 18 pour le camp de recrutement, vous avez besoin d'être là seulement qu'une journée, préférablement deux, juste pour dire que les capitaines vous voient plus. C'est gratuit à la salle Rodolphe Mathieu du pavillon Michel Sarrazin. Cherchez un conseil pour retenir le nom de la salle, pensez à moi, Mathieu, évidemment, sur Rodolphe Petit Renault Nez Rouge. Ouais, c'est bon. À dos dessus, comme ça, tu la retiens. C'est bon, ça, Rodolphe Mathieu. Voilà. T'as le goût de fouetter Mathieu. J'ai le goût de fouetter Mathieu, mais merci, oui. Merci. Mais sinon, j'ai encore une nouvelle sur l'improvisation. Okay. Cette année, à l'UQTR, on accueille la CUI, qui est la Coupe universitaire d'improvisation. Oh. C'est super grand. Il y a une vingtaine d'équipes qui s'affrontent d'un peu partout au Canada. Donc, là, je dis au Canada, mais c'est parce qu'il y a bien quelqu'un qui vient de Saint-Boniface. Là, parce que sinon, c'est comme tout du Québec. Là. Parce que l'année dernière, ça se déroulait à Ottawa. À Ottawa, si exactement. C'est la LIEU, la Ligue de... Je sais pas c'est quoi leur nom. Bon, la LIEU, qui est la Ligue d'improvisation d'Ottawa, de l'Université d'Ottawa. Ça s'est fait là-bas. Il y a une ligue là-bas francophone à l'Université d'Ottawa, mais il y en a aussi une, en fait, à Moncton. Donc, okay. Qui est en dehors du Québec. Mm-hmm. Exactement. Et à Saint-Boniface, au Manitoba. Ouais. Qui est une. Je pensais que tu parlais du village. Non, mais c'est non. Ça. C'est Saint-Boniface. Saint-Boniface. Saint-Boniface, c'est ça. Mais ils descendent, oui. Oui, ils descendent. En tout cas, l'année dernière, ils sont descendus. L'année d'avant aussi. Bref, il y a plusieurs équipes d'un peu partout au Canada qui s'affrontent pour avoir la coupe, être les gagnants de la Coupe universitaire d'improvisation. Cette année, ça se passe à Trois-Rivières. C'est une initiative de Maxime Tanguay. On en parle beaucoup. C'est quand même lui qui a décidé de prendre en charge la CUI. Donc, ça va se passer en alternance au 10-12 et à la chasse-galerie. C'est intense la CUI parce qu'à partir de 9h le matin, et là, on parle du vendredi, samedi-dimanche, ou samedi-dimanche, bref, samedi-dimanche, on va dire ça de même, de 9h à peu près 8h le soir, c'est des matchs en continu. Et c'est long. Des fois, là, c'est pas évident d'avoir tout le temps du public, mais c'est important parce que c'est le public qui vote. Donc, en fait, on élimine des équipes pour arriver à la finale. Il faut dire que la Luître, l'année dernière, à Ottawa, s'est rendue en finale contre la Ligue UQAM. Et elle s'est inclinée devant la Luître, devant la Ligue UQAM. J'imagine que, écoute, tu as un certain avantage aussi à jouer dans ton patelin. Oui, effectivement. Dans le sens où c'est le public qui vote, ils peuvent peut-être avoir un petit parti pris. Ben, c'est parfois, oui, effectivement. L'année où est-ce que ça s'est passé à Sherbrooke, Sherbrooke s'est rendu en finale. Ils n'ont pas gagné, mais c'est ça. T'sais, c'est sûr que les équipes qui viennent de l'endroit sont plus favorables au vote. D'ailleurs, nous, à Ottawa, je dis pas qu'on n'était pas bon puis qu'on n'a pas mérité, là, mais on avait emmené notre public. Ah, ben oui. Non, mais c'est bien. On avait cinq amis qui étaient venus. Copains, copines, amis, amis. Donc, ça fait la différence dans des matchs, des fois, qui se décident par une main. Ouais. Ben, en fait, on vote avec la main. Là. Donc, des fois, ça peut vraiment faire la différence. Mais en même temps, les équipes sont tellement bonnes que des fois, tu fais... Mais, ouais, des fois, t'as pas le choix, là. C'est ça. Oui, t'sais... oui, j'aime Trois-Rivières, mais c'était vraiment trop bon. Ouais, c'est ça. Fait que, tu il t'a votes, planté. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est ça, en fait, l'improvisation. C'est la même affaire à la chasse-galerie. Si quelqu'un emmène sa gang, c'est sûr que la gang va voter pour la personne qu'il connaît. Ça fait partie de l'improvisation en général. Il y a une belle compétition. Je me rappelle que l'année dernière, en fait, je faisais une chronique dans l'émission de Danny Janvier, le Dîner de con, le lundi. Je pense que ça revient. Et oui. Puis, tu voyais qu'ils tiraient pas mal sur la couverte chacun de leur bord. Ah oui, il y a une belle compétition. C'est une saine compétition. Oh, exact. Puis c'est des amis, en fait, là, je pense, dans la vie. C'est ça, en fait. Ça paraît. On est toute une grande famille d'amis. Je suis pas encore recrutée. Mais la Luître, en général, c'est une grande famille. Et c'est ça, on est beaucoup plus des amis. La plupart des temps, la plupart des gags, c'est souvent des insides et tout et tout. Donc, c'est un univers qui est convivial. Et c'est ça qui est le fun à voir, en fait. Ouais, c'est ça, c'est beau à voir. C'est le fun. Ouais. Exact. Donc, la Luître, tous les lundis de l'année à 20h à la chasse galerie. Tout, tout, tout, tout, tout. Quelques. Ouais, quelques. Quelques. Et d'ailleurs, des fois, on va avoir des matchs les jeudis, mais en fait, c'est pas des matchs, c'est un événement spécial qui s'appelle la Luître feutrée. Ce qu'on voulait faire, justement, c'est sortir un peu de l'univers qui est très gag les lundis, justement, très pouette-pouette. Lundi, bière et tout. On a voulu faire la Luître feutrée. C'est un événement un peu plus épuré, plus. En fait, c'est un maître de jeu qu'on a, c'est pas un arbitre. Et on y va sur des thèmes un peu plus sentis, un peu plus théâtral. Donc, c'est pour montrer les deux faces de l'improvisation à nos spectateurs qui peuvent venir. Les dates sont pas encore annoncées pour la Luître feutrée, mais on devrait en avoir 3-4 au courant de l'année. Génial. Donc, sinon, c'est les lundis à 20h à la Chasse-Galerie. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et ça commence ce soir. Ça commence ce soir avec le match promo. La semaine prochaine, on prend une pause pour le camp de recrutement le lundi et le mardi. Et on revient la semaine d'après avec le premier match de la saison. C'est comme un avant-goût. Exactement. Un avant-goût de quand vous allez retirer l'intérieur. Là, comment... De la Luître. De la Luître. Comme... Je me demandais où t'en venais, là. C'est ça, j'ai comme tiré, c'est ça. Ben oui, la huître. La huître? La huître. Ben, c'est une huître. La huître au coin. Ah, ça, c'est une blague de poule, ça, là. Bon, là, tu me parles. Là, tu me parles. Des blagues de lichage puis de siphonnage, ça va. Mais bon. Alexandra Carignan, est-ce que tu avais d'autres choses? Ben non, c'est tout. C'est tout. Merci. Oui, on te retrouve avec tout à l'heure ta face cachée de Trifluvie. C'est pas oui, ta exactement. Face. Mais... Ben pas la mienne, mais celle de Trois-Rivières. Et pour l'instant, on écoute un petit peu de Mister Valère. Voici Gumshoe à Assemblage requis. C'est fou. Hey, c'est Batman et Robin. Ils nous ont cernés. Séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Things in life go up and down. Will the world be back? Gotta

sur la machine, tellement c'est chaud. Et à l'époque, c'était vraiment, il n'y avait pas d'habits, il n'y avait pas de, non, de pas mesures de protection à suivre, exactement. Donc, c'était comme ça. Et une machine de papier, la grandeur réelle, c'est la taille d'un terrain de football. Hey. En fait, la longueur, là, la largeur, c'est... average, c'est peut-être une dizaine de mètres. Mm-hmm. Mais pour la longueur, c'est la longueur d'un terrain de football. Donc, tout ça qui dégage cette chaleur-là, ça fait, disons, un ouvrier qui sue beaucoup. Donc, il plus ne va pas l'eau partout, c'est humide, extrêmement humide. C'est un endroit qui était très désagréable à travailler, très dangereux aussi. Vers les années 50, il va y avoir plus l'arrivée des syndicats et tout, donc ça va devenir plus protégé. Il va y avoir la sécurité qui va entrer en jeu. Mais au début des années 20, c'était très salubre comme endroit, insalubre pour travailler. Donc, mais tout de même, chapeau à tous ceux qui ont travaillé dans les usines de pâte et papier parce que c'est très grand. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Trois-Rivières et sur les pâtes et papier aussi, parce que j'en explique un peu plus, eh bien, je vous invite à venir visiter la fresque historique de Trois-Rivières. Tous les samedis et dimanches, je suis là à 14h et à 15h. La visite est gratuite. Vous n'avez qu'à vous stationner au Stratos au IGA et à venir me rencontrer au milieu. C'est une quarantaine de minutes et on apprend vraiment des histoires intéressantes sur l'histoire de Trois-Rivières. Vous faites ça jusqu'à quelle date? Jusqu'à la fin septembre. Parfait. La dernière fin de semaine de septembre. À t'écouter, j'ai le goût d'y aller. Oui, ben, tu devrais, c'est vraiment le fun. Hey, je pense qu'on est rendu. OK. On va parler des pieds, des gars, OK. Ratatiné. Non? Ratatiné. Ah, je vois le lien, je vois le lien. Toi, c'était quoi? Je te pile à chaque fois, je te pile par-dessus quand tu as non, mais questions. Le tien own tout le temps le mien. Fait que j'ose pas dire le mien. Ah, c'est plate, mais c'est ce que ça me vient. C'est ce qui me vient en tête. Donc, voilà pour la face cachée de la Trifluvie. Merci, Alexandra. Mais ça me fait plaisir. Merci à vous. À la semaine prochaine pour une autre chronique d'art et spectacle et la face cachée. Les deux. Ben, les deux. Ah. Nous, on va retourner en musique un petit peu avec une nouvelle pièce de Mumford & Sons, pièce qui vient de leur album qui sort le 24 septembre. Et puis, c'est leur album Babble. On écoute I Will Wait à Assemblage Requis tout de suite. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I forgive, and I won't forget. Know what we've seen and him that laughs. Now in some way shape the excess. Well, as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And I Mumford & Sons. J'adore. La pièce s'appelle I Will Wait sur l'album Babel qui sort le 24 septembre 2012. Allez voir sur mumfordandsons.com. Je pense que François, ça l'a convaincu. Là. Ouais, je pense que je vais acheter l'album, c'est sûr. Dès la première écoute. Ouais, tout à fait. Écoute, ça ressemble beaucoup à ce qui avait été fait avant. Ouais. Et j'aime ça. C'est une recette gagnante pour moi. Donc, pour ceux qui aiment le style, c'est certain que c'est gagnant pas mal. Il nous reste encore un petit peu de temps. On va l'entendre une autre pièce, mais cette fois-ci dans le palmarès anglophone. C'est la formation Hellsongs, live with members of the Gutenberg Symphony Orchestra. Vite, t'as pas compris. J'ai rien compris. L'album s'appelle Long Live Lounge. Voici Sin City. C'est une pièce de. Et là, si je me rappelle bien comme ça, je crois que c'est de AC/DC. Ah, ça se peut. Si. Il me semble. Pas de spécialiste de rock dans le studio. De ta assemblage requis pour encore 10 minutes. Freddy and Diamond, yeah. Sin City de la formation Hell Songs à Assemblage Requis. Il est 8h54. On va se quitter en quelques minutes avec une autre pièce du palmarès francophone. Francophone. Hein, François, n'est-ce pas la vérité que je te dis là? Tout n'est-ce à fait. Pas? Mais pour l'instant, on va terminer l'émission presque. Les gens sont contents. Je pense que le public adore notre émission d'aujourd'hui. En effet, c'est une émission particulièrement adorable, lovable, lovely. On remercie Alexandra Carignan d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. On remercie tous les chroniqueurs qui seront peut-être là un jour le lundi. Peut-être dans les prochaines semaines. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas, on verra. On va terminer avec notre titre d'émission d'aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'on a fait tout l'été. Je sais qu'on n'a pas fait la semaine passée. On était pas mal bric-à-brac, rush hour, power hour. Power hour. Est-ce que je dis n'importe quoi? Je pense que oui. Ben non. Donc, tout l'été, François, vers la fin, on trouvait un titre à l'émission de la journée en tant que tel. Tu te rappelles de ça, évidemment, de cette formule-là? Et aujourd'hui, on pourrait l'appeler... Comment? Ben, si tu as des suggestions... Non, vas-y avec une suggestion. Juste pour te dire, la semaine passée, j'ai nommé les émissions qu'on n'a pas nommées en ondes. J'ai nommé Le Retour de François-Olivier, parce que tu es une bête menaçante. Lendemain d'élection, évidemment. Et Mémo du Jay-Z, par rapport à une superbe histoire qu'on a racontée. Ça, c'était mercredi. C'était pour l'émission de jeudi. Okay. Retournez écouter l'émission, ça vous tente, parce que ça ne tente pas de la raconter une deuxième fois. Mais donc, cette semaine, aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, on a eu, entre autres, la chronique CNX, dans laquelle on a parlé, entre autres, de Rire de fou, Chuck Norris, LOL. Tu sais, on a parlé de plein de choses comme ça. Dans C'est un fait, on a mentionné plein de choses, là, super intéressantes, j'en doute pas, entre autres sur... les chats et la pression. des trucs de jeux vidéo aussi. On a eu Alexandra Carignan avec sa chronique culturelle qui nous parlait de la huître, d'impro, tu sais, un truc comme ça. Mm-hmm. Et puis des usines dans la face cachée de la Trifluvie. Donc, qu'est-ce que ça nous inspire? Ça m'inspire de la passion. Ça m'inspire... La passion! Oui, la passion! Moi, ça me rappelle les pieds des gars qui étaient ratatinés. Ah oui, OK. Pieds ratatinés, ça pourrait être un bon titre. Pieds ratatinés. C'est un hommage en même temps pour les usines à papier. Non, j'aime ça. Donc, pieds ratatinés? Ouais, pieds ratatinés. Pieds ratatinés. Hommage aux pieds ratatinés. Parfait, c'est super. Ça sonne bien. Ça va provoquer des clics et des écoutes de la balado-diffusion. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour promouvoir la balado-diffusion. Donc, Pierre Atatiné, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain avec Michel Lebrun qui va être avec nous pour sa chronique juridique Panier à salade. Oui, exactement. Il va nous raconter un peu ce qui se passe dans le domaine juridique. Mm-hmm. David Ferron sera là pour nous passer son entrevue avec Eddie King, le roi de la scène. D'ailleurs, on va avoir des billets à faire tirer demain. Tout à fait, un spectacle a lieu demain soir. Tout à fait. Donc, c'est bien normal. On se quitte avec une pièce de Reine de France. Est-ce que tu veux une autre pièce? Est-ce que je passe la pièce du palmarès? Parfait. Week-end perdu, c'est ce qui va finir l'émission d'aujourd'hui. Reste à l'écoute pour le dîner de con avec Danny Janvier qui commence à 11h. Et puis plus tard en journée, je sais qu'on va avoir une rediffusion des palmarès, c'est fou. Donc, c'est l'après-midi. L'heure, on verra. On verra. C'est en après-midi, ça. L'horaire est tellement chambranlant. D'ailleurs, vous pouvez consulter l'horaire au cifou.ca. Oui, tout plein de nouvelles émissions qui s'ajoutent. Allez voir cifou.ca, comme tu disais, et allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. J'aurais plugué le mot bric-à-brac. Et ratatiné. Et ratatiné. Et celui que je viens tout juste de dire. Bric-à-brac? Non, c'est un autre. En tout cas, j'espère. On laisse faire. J'ai un vocabulaire de mots bizarres, ça. Fait que je l'utilise, ça. Hein? Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. Tu me regardes drôle. C'est tout le temps drôle. Le public en studio n'est plus là. Tantôt, on se faisait applaudir, puis là, soudainement, c'est comme mort réel, en tout cas.